veux me casser les jambes. Je rentre dans la légende pendant que tu grattes des légendes. Pourquoi s'en prendre aux jambes? Pourquoi parler sur le net? Ça sert à rien qu'on chante. Au premier mili, je pète le champ. Plus qu'on face au gadji, je reste solo dans ma chambre. Fais pas style, c'est ton frère, s'il te plaît. Il a fait des années, tu lui as posé qu'un 30. Y'a le pompe. Regarde son blaze, le MC, je crois qu'il me pompe. Et ouais, ils veulent tous pomper là. À croire que le rap, c'est la junkera. Changez-moi, on verra. Bla bla bla, on se verra. Ça forme des gangs comme les Yakuza. Cagoulé sans casque sur la Yabusa. J'ai le boucan, vas-y fais fourra. Viens en face si t'as du courage. Les rumeurs me donnent le fou rire. Dans ce monde c'est fourré ou se faire fourrer. Mani, regarde, ils s'envolent le pélican. Je représente mes voleurs et mes trafiquants. Ils veulent nous tester, on les baise. Tu veux percer, ben faut le buzz. Qui veut ma vie, veut ma peau, ma go. Tu sais d'où je viens, tu maquilles en gros. Ils me font des manières, je les reconnais pas. Le flic me dit c'est qui lui, je sais pas, je connais pas. Ils me critiquent mes chiens les reines. Je t'ai tout dit, je me suis survêturé à la suite de Rennes. Big up au braqueur, biche, d'ici à Lyon. On met qu'en chien et à se compéter le million. Au clair de la lune, prête-moi ta galoche. Il faut que j'en allume, envie de faire un carnage. Ça donne des go, ça parle de Honda, ça parle au Condé. Ça joue les gros dans le sport back, oh yo. J'esquive encore la Mondeo. Ils m'ont tous gonflé, oh yo. Laisse-moi grimper, oh yo. Toujours un couteau dans la poche. L'hiver ses casquettes sous la capuche. Envie de tout niquer comme un sale môme. J'mets des Nike, des Asics ou des Salomon. Moi c'est l'aveu, me propose pas des rails. J'toucherai jamais à ça, et ouais même si j'déraille. Tu parles encore, j'suis pas rappé, bah écoute Skyrock. Un freestyle par jour, gros c'est pas de la Garof. Petit j'écoutais Looch, Booba Ruff. Là le rap a changé, sur grand-père j'marronne. J'suis venu, j'ai vaincu et j'ai créé. Un style de musique d'extraterrestre. On m'a dit la famille, j'crois que t'as CRS. Non, j'me suis juste un peu isolé vers CRS. Fils de parle pas de ma vie. Tu pourras jamais mettre à dos ma ville. Serais-je navigue? Ici on fume que des pètes et tintasiques. Serais-je navigue? Ici on fume que des pètes et tintasiques. J'viens de là où ça explose des plastiques. Là où putain t'apprends des choses fantastiques. Big up à ma ville, de quartier sud au quartier nord. Virage sud, virage nord, envie d'aller sur le terrain mettre des goals. Je rode en casque intégral, avec mon rap j'sens des gueules. Ils veulent me tester, je crains des gains, hein. Ils veulent me freiner dans ma course, tout chargé, jamais à court. Je suis avec les grands dans la cour, les descends, tu pas la pour. Mais bon, c'est des petits fils de, petits fils de, petits fils de, petits fils de. Challenge, mais pas la source, t'as le guidon, mais plus la fourche. Je suis comme le loup dans la bourse, parti de rien pour tout niquer. Ouais, petits fils de, petits fils de, petits fils de, petits fils de. Veulent me freiner dans ma course, tout chargé, jamais à court. Je suis avec les grands dans la cour, les descends, tu pas la pour. Mais bon, c'est des petits fils de, petits fils de. Challenge dit mais pas la source, seul guidon mais plus la fourche. J'suis comme le loup dans la bourse, j'suis parti de rien pour tout niquer. Ouais, petit fils, petit fils, petit fils, petit fils.